Certains artefacts humains ont d'étranges destinées. Certains morceaux de plastique qu'on croyait dorénavant voués à orner les salons de la normalité reviennent du subespace pour hanter les réseaux et en créer à leur tour. Certaines formes de vie qu'on pensait radiées et supplantées par les technologies de l'immatériel ressurgissent ici et là dessous la poussière. On croyait le feu éteint et remplacé par les écrans. Mais le chuchotement des flammes s'est réveillé sous la pression du bouton lecture. The eyes of the world now look into space, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom. We choose to go to the We choose to go to the in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Le soleil se couche sur les rives du Tarn et la lune grossit à vue d'œil. Nous sommes à Rabastens au milieu des disques et des cassettes du magasin Ex Vinilo, emmêlés dans les câbles et les projections du futur, des projets et des sorties à venir. Maïeul est derrière les manettes, prêt à dérouler les bandes. Salut. Ça va bien? Oui, ça va, super. Et dis donc, t'as prévu plusieurs... J'ai vu que t'as préparé plusieurs paquets pour l'émission. Et on a commencé avec cette cassette. Tu ouais. nous dis pourquoi ? Ben en fait, c'est une cassette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, donc je voulais commencer l'émission par des choses nouvelles, quoi, des sorties récentes. Donc celle-là, c'est donc le nom du groupe s'appelle Treasure Island. C'est un duo composé d'un Yann Bern, donc un Français qui fait guitare, les programmations, et sa partenaire Kanako Mitsuzumi, qui elle fait plutôt les synthés et les voix. Voilà, c'est le nom du label s'appelle Black Sheep. C'est un truc qui est sorti en 2015, mais pour moi c'est récent, je viens de le recevoir. Ouais, mais ouais, moi aussi je les ai croisés il n'y a pas longtemps, ces cassettes, à un concert de Docteur Lamort à Lyon. Voilà. Enfin, il y en avait deux, je dis les cassettes parce qu'il y avait d'autres cassettes de la même collection, comme ça, jaunes, tranches jaunes et dessin minimal en couverture. Bah visiblement... C'est un label français ? Bah ouais, ouais. Alors le peu, j'ai échangé quelques mails avec Yann, donc, et bon, il m'a dit qu'il avait habité au Japon un certain temps, en Angleterre, qu'il revenait en France depuis un peu de temps, et voilà. Et Docteur Lamort, visiblement, c'est lui aussi, seul, en solo, avec un projet plus expérimental. Et voilà, moi, cette cassette, j'ai bien aimé, ça me fait penser à... C'est frais, quoi, ça me fait penser à des groupes des années 80, comme The Plastics. Ça a ce côté rigolo et en même temps profond, j'aime bien. Ouais. Avec une jolie pochette, faite main complètement, quasiment, avec des autocollants. Très japonais, très esthétique, quoi. Ouais, très classe. Là, on peut en écouter encore un petit extrait, c'est le deuxième morceau. Le premier morceau s'appelait Gondwana Buana, et là, c'est Three Dogs. Thank you. Alors là, c'est un projet d'un groupe qui s'appelle CH Rome, qui est, donc c'est les Américains qui sont sur le label Jazz, J-A-2-S. C'est un label d'un mec qui habite pas loin de New York, je sais plus quel bled, qui sort pas mal de projets électroniques, très variés, quoi. Ça va de la house à du beat hip-hop. Et notamment ce projet que je trouve complètement farfelu et super bien foutu, quoi. Et c'est un projet un peu obscur parce que les mecs donnent des informations, c'est de la désinformation. On voit bien que les noms des artistes cités, je sais pas, sous les yeux, sont pas les bons. Et on comprend pas si c'est un groupe, s'ils sont plusieurs ou si c'est vraiment une production faite à la maison. Mais bon, de superbe qualité. Et l'album s'appelle Word of Choice. On voit en partie un squelette qui tient des billets dans sa main. Donc ça a l'air d'être assez critique. Il y a une forme de critique joyeuse de la société consumériste américaine. Mais attends, mais il y a le centre Pompidou en photo, on dirait. Le centre Pompidou en photo, ouais. Je sais pas, ou alors un truc qui ressemble. Ouais, faut expliquer pour les auditeurs qu'il y a des collages, en fait. C'est vraiment fait... voilà. C'est des collages dans tous les sens. Et après, il y a un livret quand même assez conséquent avec plein de trucs écrits, plein de conneries, quoi. Enfin, faut passer du temps dessus. Je viens juste de le recevoir. J'ai pas encore eu le temps de décrypter toutes les informations. Mais j'aime bien, ça me fait penser à des productions des années 80 comme Talking Heads, Tom Tom Club et tout. Et j'ai écouté deux fois la cassette en long, en large. Et c'est très varié, c'est vraiment... Ça a ce côté frais. Ouais, ça donne la pêche. Ouais, ça donne la pêche, c'est bien là pour commencer, le beau jour arrive. Voilà. Côté post-punk. Allez, Cosmic Cassette. On enchaîne. Yes. Ah. Attends, mais c'est celui-là que t'es censé mettre là, non? Ah oui, je me suis trompé de cassette. C'est super. Attends, mais ça arrête. Ouais. OSR Tapes, donc on en parlait, ouais. Ben même si c'est... Ouais, bon, oui, c'est quoi? Alors, donc ça s'appelle Shiu Shium. C'est un projet, alors je sais pas si c'est mexicain ou espagnol, je suis incapable de déterminer les subtilités du truc, quoi. Ouais, ouais. Il s'appelle, Daga Voladora, alors je sais pas... Bon, faut dire qu'en fait, j'ai reçu les cassettes hier matin, et c'est OSR Tapes, qui sont basés à Brooklyn, il me semble, qui sortent généralement tout un... plusieurs, au moins, facile, 10-12 cassettes d'un coup, et des vinyles aussi. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, donc je les ai reçus, et voilà, et je découvre en même temps. Et là, pour parler d'OSR Tapes, le mec qui tient ça, la Zach Phillips, a l'air d'être un espèce de gars d'esthète très particulier, qui attache beaucoup d'importance au format chanson, plus qu'au côté lo-fi, en fait, j'ai l'impression. En fait, le dénominateur commun de ses sorties, c'est vraiment le... des paroles, des choses à texte, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. J'ai l'impression aussi, en fait, c'est vrai. Enfin, et... moi, je m'étais rattaché au côté pop zarbi, mais en fait, là, les cassettes que t'as reçues, je me rends compte qu'au final, il y a des trucs qui sont pas du tout zarbi, mais du coup, dans le tas, ça fait trop bizarre, quoi. Ben ouais, parce que c'est encore plus bizarre que des cassettes noise, ou des choses, finalement, qui raconte que des choses avec des bruits, je sais pas comment dire, là on sent que... Enfin je sais qu'il a écrit des choses, il a écrit des genres de manifestes ce mec, mais j'ai pas tout lu, j'en ai lu une partie, en plus il écrit dans un anglais super bien, un anglais comme on sait plus le lire quoi, à part à moins d'être purement anglophone, c'est-à-dire avec plein de subtilités, dans sa façon d'écrire, enfin c'est bien. L'Américain éduqué, quoi, qui ne mettait pas des abréviations tous les deux mots. Ouais, OSR Tapes, super label, quoi. Enfin, c'est à découvrir. Après, il y a des projets qui sont beaucoup plus grunge, beaucoup plus simples, deux accords. Mais il y a quand même aussi quand même une recherche de la complexité, quoi, dans l'écriture, quoi. Enfin, je trouve qu'aussi, un autre dénominateur commun, malgré tout, c'est quand même la complexité dans les harmonies. C'est-à-dire des chansons simples, pop, et il y a toujours... une forme de recherche sans que ça passe pour la musique de musicien, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Il n'y a pas ce côté frime, regardez comment... Voilà. Et du coup, c'est une bonne alchimie, quoi. Voilà, notre petit morceau, puis après... decir que entiendes lo mismo que yo. De momento has decidido no hablar, te das un aire de misterio, los impulsos que parece que no conecten con el hemisferio izquierdo. Thank you. voilà, une sortie. Ça, c'est un peu d'autopub parce que finalement, hein, on peut le dire, mesdames et messieurs, c'est une collaboration du label Tomaturge et Manufacture Errata. Donc, Tomaturge, c'est un label dont je fais partie. Enfin, un label, c'est toujours un des grands mots, c'est une petite maison d'édition. Manufacture Errata, c'est un grand label, ouais, contrairement. Très grand. Très étendu. Et en fait, c'est une compile qui a mis du temps à naître, mais ça y est, elle est là. C'est la première fois qu'on en parle. Hein. Ouais, c'est l'avant-première. Même Internet n'en parle pas encore. Dis comment elle s'appelle. Lumen et Natura. Donc en latin, lumière et nature, quoi. Un hommage à la simplicité, au soleil, au bruit des feuilles dans les arbres. Voilà, ce qui fait du bien, quoi. Les seules choses qui font vraiment du bien dans la vie, en réalité. Donc jusqu'à présent, c'était un morceau. Donc c'est une compilation avec une dizaine d'artistes. Et là, on avait entendu un morceau d'ambiance de Nobody Sound. Donc un gars qui fait de l'ambiance, quoi, français. Et voilà, et là maintenant c'est Telem. Donc c'est bien sur cette. Il y a des groupes très différents qui proviennent de scènes différentes, plutôt rock, d'autres plutôt ambiante, d'autres plutôt électro-noise. Voilà. Ouais, puis d'autres un peu plus inclassables aussi, des fois. Ouais. Mais c'est ouais, cette compilée, moi je tiens à le dire parce que moi je la sors sur le Errata, mais au final. Je suis plus spectateur finalement, hein, parce que j'ai participé de loin quand même. Et du coup, je peux me permettre de dire objectivement qu'elle est géniale. Quoi. Donc, ouais, ouais. Non, ouais, c'est... Il y a un travail aussi de mix entre les morceaux avec des prises de son de la personne qui est passée tout à l'heure. Mais de Amélie. Ouais, Amélie, c'est vraiment, ça lit vraiment les morceaux un peu comme ça. C'est super zen, quoi, cette manière de mélanger les trucs. Calmement avec une grenouille. Ouais. C'est super. Ouais, c'est des prises de son qu'elle a fait elle-même en nature et tout ça. Et du coup, ça crée le lien, c'est le ciment entre les morceaux. Quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'était pas deux sorties actuelles, hein, c'était en fait deux cassettes emblématiques pour moi. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est les. Donc la première c'était un mix d'un groupe qui s'appelle Javelin, et le mix s'appelle Andean Ocean. Andean Ocean. Et ouais, un super mix pour écouter en été. On a découvert ça en fait il y a quelques années. Et ça fait partie sur un concert à la campagne, dans les Pyrénées. C'était un groupe d'Allemands qui représentait un label, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Hérode, des mecs qui sont basés en Hollande. Et du coup, ils avaient une distribution de cassettes, il y en avait plein. Et moi, j'en achetais plus, quoi. Mais j'étais déjà bien branché, j'enregistrais encore sur cassette. Et du coup, avec Marie, là, ma copine, on a acheté quasiment toutes les cassettes qu'ils vendaient. Quoi. Parce qu'en fait, c'est la première fois que vous revoyez des mecs avec un stand de cassettes comme ça. Ouais, très fourni. Ouais, en plus. Ouais. Très fourni, puis avec plein de cassettes colorées qui venaient de partout, avec faites main et tout ça. Et du coup, ça n'a pas fait un pli. Ils les vendaient pas cher, ils ont halluciné d'ailleurs, parce qu'ils faisaient une tournée, on leur a bouffé la moitié du stock. Et en même temps, ils étaient contents. Parce que c'est vrai que la moitié, les gens en achetaient une ou deux, ils les vendaient pas cher, 3 euros à l'époque. On prend tout quoi. Ils avaient même pris des CD. Ça m'a replongé dans l'univers de la cassette, DIY. C'était un. Redécouverte, et puis à l'issue de ça, je me suis dit, ouais, c'est possible, on peut presser des cassettes. Après, j'entends en parler, on en a fait une ensemble aussi, et puis d'autres. Et voilà, on en arrive là. Et là, du coup, on a changé, on n'est plus sur Javelin, on est sur quelle cassette ? Là, on est sur Fioelk. Fioelk, c'est. Je sais pas, je crois qu'il est allemand, je sais pas s'il est hollandais ou allemand. Et ça, c'est un album électro, qu'on entend. Mais faites pas avec du beau tampi, c'est des sons très chauds, très ronds de beau tampi, j'aime bien. Et pareil, ça fait partie des cassettes que j'écoutais en boucle il y a déjà quelques années. Et que j'ai toujours le plaisir à écouter, quoi. Ce côté super frais, ça reste super frais. D'ailleurs maintenant, il continue, il fait des choses plus techno, j'aime moins en fait, plus dur, avec des sons un peu plus durs. Mais là, quand j'avais découvert ça, j'ai trouvé ça super original. Ah bah Hérode, tu vois. Ah bah il est sur Hérode. Donc... Kaksi Lensi Ili sur un label finlandais, il me semble, qui s'appelle Lalalal, presque un label historique dans le monde de la cassette, hein, il me semble. Ça fait des années qu'il sort des trucs. Et ce projet est juste génial, il n'y a aucune info dessus, je ne sais pas, je ne pourrais rien dire à part que c'est une superbe sortie. DSR Lines sur encore la la la. Magnifique projet ambiante, électronique. Un gars qui s'appelle David Edren, je crois. Il a aussi un label qui s'appelle Are Akedon. Voilà, superbe. Et avant, le truc un peu rythmé avec des flûtes et tout ça, c'est Masaya. Sorti sur le label Healing Power Records, un label canadien. Et voilà, Masaya, c'est un joli projet. On a sorti une cassette de lui ensemble aussi, hein, sur un, avec un projet plus acoustique. Hein. Plus, oui, c'est vrai que c'est moins boîte à rythme. Là, c'est un peu son nouveau son. Et il est aussi sur la compil L'Humaine et Natura dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Você está escutando o Cassete Cósmico. Cosmic Cassette. Waking up in my vomit, cool little goose. Till December 25th, I'm on to wild cards. Like this, every sick human being mentally. I was thinking just shoot him in the head, feeding. Of the 5,000, the crowd is shouting. We're sick of eating the same meal. Allow them a better death. Half of them voted yes. I guess if you're heartbroken, you won't feel it in the chest. Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. If mine was my student loans, I guess I'm fucked. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. If mine was my student loans, I guess I'm fucked. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. If mine was my student loans, I guess I'm fucked. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. If mine was my student loans, I guess I'm fucked. Get back to peeling the skin so we can fight. They're fighting for a plate. They're dying out of empathy. I have no sympathy for anyone as arrogant as you and your stupidity. Under a mask, under a debt, everyone knows the best way to live is forget. Others got feelings, prophets are sick of healing. Maybe you're dealing with too much of love, tall the ceilings. They say Scorpios get rich once. They say Scorpios get rich once. C'est quoi? Alors ça c'est ça c'est Michael Knatt qui a sorti ça il y a 2-3 ans sur le label Ahead An Accident. Et voilà, c'est une espèce de hip-hop sur des rythmiques comme ça, tout l'album est comme ça, assez fou quoi. Donc c'est un gars d'origine asiatique qui a l'air de s'éclater à faire son truc quoi. Voilà. Ils sont d'où, Ahead An Accident? Ils sont du Maryland, donc Maryland, c'est ce parc d'attractions en dessous du Massachusetts. Je sais pas trop de quelle ville. Annapolis, voilà, Annapolis en Maryland. Mm. Et le mec Justin là qui tient ce truc, c'est un des gars qui m'a vraiment poussé à faire de la distrib cassette. Donc en fait depuis 2-3 ans, j'ai quasiment toutes leurs sorties. C'est très varié, hein, le fond, je dirais, ça, la base c'est le hip-hop, le dénominateur commun à toutes les productions. Mais en fait, il y a eu des projets folk, des projets même ambiantes, un peu noise, des trucs qui vont vers le hard rock, plein de trucs en fait. Voilà. Ouais, ouais. Et juste avant, on a écouté Radical Guts, qui est un groupe qui est sorti sur Patient Sounds. Je crois que le mec qui tient ce label joue dans ce groupe, Radical Guts, j'aime bien, un projet un peu planant, avec des instruments, cool. Et avant, c'était Raj G, le grand maître du beat expérimental californien, sur une capture, un split, en fait, c'est une cassette split qu'il a sorti avec une nana qui s'appelle VHVL. Voilà, sur le label Living Records, qui est un label, moi je sais pas, j'associe ça à des labels comme Warp à l'époque, quoi, des labels électroniques assez prolifiques, avant-gardistes, bien dans leur temps, quoi. On dirait qu'ils ont vraiment tout capté pour séduire le public. Il y a des bonnes sorties, ils sont notamment distribués par le label de hip-hop Stones Throw, tatata. J'aime pas tout, quoi, ce qu'il y a sur ce label, mais voilà, Raj G, j'aime bien, quoi. C'est un gars qui a fait des beats hip-hop, et puis il peut se lâcher complètement, faire des trucs vraiment expérimental. Voilà. Thank you. natation comme sport de combat. La natation comme sport de combat. Yeah. Ah ouais, c'était le last one. C'était le last one, je crois. Ok. Bah du coup, on va se quitter. Puis Mayel, à bientôt. On aura sans doute l'occasion de refaire d'autres émissions. Parce que bon, t'as quand même une tonne de cassettes. Et du coup, voilà. Hein. Bah, avec rien plaisir, nous interdit de refaire un passage à Rabastens. Mais oui. Voilà. Faut pas se me voir, je me sens tout seul. Oui, Ex-Vinilo, parce que c'est vrai que je n'ai même pas présenté le magasin, mais c'est quand même le plus gros magasin de cassettes en France. Et, enfin, peut-être le plus même petit en des gros magasins. Le plus petit des gros magasins. La plus grosse étagère à cassettes des magasins de vinyle de France. Voilà, voilà. Donc, le suicide commercial. Assumé, quoi. Venez voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Les jeunes. Bon, bon bah allez, bah à bientôt, hein. Salut, ciao. Tu m'as mis le volume. Mets-moi le volume. Je vais te mettre un peu de volume. Hop là, c'est moi qui. Cosmique cassette. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end the test. Cosmique cassette. Hello from the children of planet Earth.